Il y a une métaphore qu'a utilisée un copain au moment où on avait fait le grand feu là, qui nous a imaginé pris dans une danse effrénée dans un pogo parce qu'on adore le rock. Et on a été vraiment, il y a un truc comme ça, on a été ballotté très très fort par les événements et on est resté hyper hyper soudé. Ça a donné une densité très très très forte à notre relation, je crois. C'est une histoire de mort qui commence par une naissance en fait. Ça a commencé bien avant la naissance et même bien avant la grossesse parce que j'ai mis très longtemps à tomber enceinte, enfin très longtemps, presque 2 ans à être enceinte. Et toute cette période-là a été hyper, assez difficile pour moi. Et du coup, ce que j'ai ressenti au moment où ce bébé, qui avait 5 mois et demi dans mon ventre, où ce bébé il est mort, c'était lié à tout ça, toute cette attente que j'avais vécue, et à tel point que je me suis dit, ça a d'abord été une victoire, et ensuite ce que j'ai ressenti comme un échec. Et il arrive cette échographie de la deuxième échographie, donc à 5 mois et demi à peu près. Et là, l'échographie, c'est vraiment le début pour moi, du cauchemar. Hein. L'échographie, du coup, elle est importante. L'échographe, c'était un sage-femme, qui était vraiment super. Il nous a demandé si on voulait connaître le sexe. Du coup, il a d'abord cherché à savoir ça. Et puis ensuite, il mesure les battements du cœur, enfin il écoute les battements du cœur qui étaient normaux depuis le début, quoi. Et ensuite le Doppler ombilical qui est donc le sang qui passe dans le cordon. Et c'est là qu'il écoute, il réécoute, il réécoute, il réécoute. Et puis il nous dit là, ça va pas, il y a un problème. Ce battement n'était pas normal en fait. Nous, on n'avait pas du tout conscience de ce que ce bruit-là n'était pas normal, n'était pas un bruit normal. Il considérait ça comme trop faible. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de sang qui passe et que donc il n'y a pas assez d'alimentation. Et ensuite, il prend les mesures et là, effectivement, ça confirme que le bébé est beaucoup trop petit pour les 5 mois et demi, quoi. Et voilà, donc ça c'est le début de la. C'est comme, ouais, c'est la sidération, quoi. On a été pris en charge très vite parce qu'il nous a directement orientés vers un spécialiste. Et dès le lendemain, on a eu le rendez-vous avec ce spécialiste qui nous a. On a refait une écho. Et là, les échos devenaient de plus en plus. Enfin, c'était difficile. Il y avait cette histoire d'entendre de nouveau ce son, de voir ces images. Alors on a demandé directement à pas voir d'image. Et que même s'il pouvait enlever le son, c'était bien. Et là, il nous a expliqué qu'on allait. Que le bébé est très petit, que donc il va sûrement pas survivre, en tout cas dans ces conditions. Il nous a dit donc on refait une échographie dans 10 jours. Et donc là, tout arrive. Toutes les hypothèses existent en fait encore. L'hypothèse que. Il meurt dans le ventre, l'hypothèse qu'il y ait une IMG, qui est celle qui nous fait le plus flipper, et l'hypothèse qu'il y ait une naissance ultra prématurée. Mais bon, quand même, il nous a bien fait comprendre que c'était qu'il y avait peu de chances que ça arrive. Du coup, commencent les 10 jours de préparation. J'ai l'impression, pour moi, ça a été une préparation un peu. Enfin, en tout cas, je me suis dit, ils nous ont laissé 10 jours pour nous préparer à l'idée qu'on devait prendre une décision ou pas prendre une décision. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il fallait qu'on prenne une décision et que c'est une préparation à ça. Et ce qui a fait que On est parti à la mer. C'était au printemps. Il y avait les amandiers en fleurs. C'était magnifique. Ouais, je crois que ça a été en fait ça, presque le pire moment, je crois, à ce moment-là. Parce que c'était le premier deuil. Enfin, c'est le premier moment du deuil, mais il a fallu ouais, faire le deuil de ce bébé, quoi. De cette grossesse, en fait, d'abord. D'une grossesse qui se passe bien et qui. Voilà, ce sentiment que d'inachèvement, de rupture, et il a commencé là, je crois. Ouais. Je me rappelle que j'ai envoyé un texto à mes copines en leur disant je suis dans l'enfer du monde commun des femmes. Et je ressentais, c'était tellement exactement ça, quoi, que je ressentais. J'avais l'impression d'une conditions communes très fortes avec plein de femmes qui avaient vécu ça. Et comme presque toutes les fausses couches, ça allait pas exister, quoi, parce qu'en fait, elles n'existent pas, les fausses couches. Ce mot de fausse couche, pendant longtemps, j'ai pas trop supporté qu'on l'utilise, parce que justement, à cause de la dimension de presque de déni qu'il y a dans les fausses couches, enfin, dans ce terme trop bizarre. Qu'est-ce qui est faux, enfin, dans une fausse couche, en fait? Il y a quelque chose qui existe vraiment, du coup, pourquoi on parle de ça? C'est voilà, c'est l'échec qui est mis en valeur dans ce terme de fausse couche. Du coup, je voulais pas du tout. Et puis moi, je voulais qu'on reconnaisse. J'avais trop besoin qu'on reconnaisse que je l'avais senti bouger, quoi, et que ça, c'était vraiment un bébé, en fait. Il avait quand même une certaine taille, suffisamment pour que je le sente et pour qu'on ait une relation, et que c'était pas. Voilà. Voilà ce mot de fausse couche qui était pas du tout possible d'entendre. Et ensuite, on a été voir notre sage-femme qui nous accompagnait et qui faisait de l'aptonomie. Et elle nous a dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse une séance là pour. Ben, nous, c'était un peu l'idée de lui dire au revoir, quoi. Et on l'a senti bouger très fort. Et donc, c'était la veille de cet écho. Très très fort, très très très vite en tout cas, comme si je sais pas. Après je me suis imaginé, il se débat, il y a quelque chose et tout. Est-ce que c'est de la souffrance? Enfin bon. Et puis le lendemain, à l'échographie le matin, il y avait plus de cœur, il y a plus de battement de cœur, quoi. Et donc quand le médecin nous a annoncé ça, il nous a dit le bébé n'est plus. Je m'en souviens. Et on a été soulagés, mais un truc de fou, quoi. Parce qu'en fait, on l'a remercié de pas avoir à prendre cette décision de le tuer, quoi. Du coup, c'était étrange parce que on était hyper stressés d'avoir à prendre cette décision. Et comme on n'avait plus à la prendre, eh ben, c'était presque un cadeau, quoi, qu'il nous avait fait. Mais ouais, c'est étrange toute cette période-là où t'es en lien très fort. Parce que la sage-femme, elle nous avait dit il faut pas perdre le lien, c'est le plus important. Alors à la fois, c'est très dur. Et à la fois, elle avait tellement raison parce qu'en fait, c'est la manière qu'on a de vivre vraiment ce qui est en train de se passer, en fait. Comme quand on est au chevet d'une personne mourante. Et pendant 10 jours, je me suis vraiment sentie au chevet d'une personne mourante. C'est ça qui m'habitait vraiment. J'avais l'impression de lui tenir la main et que. Sauf que elle était dans mon ventre, du coup. C'était un drôle de truc, quoi. Et ensuite, 2 jours après, 3 jours après, j'ai pris des cachets pour commencer à préparer l'expulsion du fœtus. Et c'est des cachets qui comprennent pour les fausses couches. Et après, j'ai été hospitalisée à la maternité, du coup. Et... Et j'ai pris les os de cachet un matin. Et là, ça a été 5 heures de douleur ininterrompue. Du coup, un accouchement très très très très difficile. C'est souvent quand on fait déclencher les accouchements que ça se passe comme ça. On a des contractions plus fortes. Et là, en plus, j'avais pas de pause, quoi. Donc assez rapidement, il y a eu une péridurale. Et ils m'ont emmenée en salle d'accouchement et où la péridurale marchait pas en plus. Et là, je voyais quand même que dans le regard de la sage-femme et de la gynéco que il fallait que Elles étaient trop désolées, quoi. Enfin, vraiment, que ça me fasse souffrir autant. Moi, j'avais tellement mal que... Pour moi, c'est logique presque, en fait, d'avoir aussi mal, parce que de toute façon, j'étais dévastée dans ma tête, donc... C'est des papiers qu'on nous avait envoyés. On a fait un grand feu, on a écrit quelques trucs, on a lu des textes qui existaient déjà. Ça ressemblait un peu à un enterrement, quoi, enfin une cérémonie. Mais moi j'avais un peu en tête que. Comme les personnes ne pourraient pas se recueillir par rapport à cet être qu'ils n'avaient pas connu. Et à cause de ce que je disais sur le fait qu'on personne n'avait connu ce bébé à part nous. Et il a fallu qu'on essaye de penser quelque chose sans avoir l'impression de forcer les autres à rentrer dans notre intime. Et ça a été super bien accueilli, j'ai trouvé, par les autres. Tout le monde a quand même assez bien compris ce qu'on voulait faire et pourquoi on voulait le faire. Et c'était un moment super beau. Moi, j'ai un souvenir très très fort, très beau. Avec surtout ce qui m'a marqué, c'est l'émotion des gens, quoi. Alors que ils n'avaient pas connu ce bébé, quoi. Mais c'était hyper touchant, en fait, de voir que on n'était pas les seuls à être tristes. Ça, on l'a fait à peu près un mois après l'accouchement. Voilà. Et puis, ça m'a pas suffi. Évidemment, pour aller mieux. Et l'autre manière de partager, je me suis dit, on va faire nous-mêmes une carte. Et on a fait une des petites cartes en sérigraphie avec une phrase de Nietzsche qui dit, il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Moi, sur celle que j'ai écrite, je disais que c'était le moment où le bébé allait naître, normalement, la date théorique, et que du coup, on avait besoin de la marquer symboliquement pour nous, et voilà, qu'à la place de recevoir le faire par naissance, c'était une manière de le faire exister quand même, quoi. Ce qui me terrifiait le plus à ce moment-là, c'était comment penser la grossesse autrement que dans les illusions de la société nataliste, quoi. C'est-à-dire, c'est merveilleux, etc. Et qu'il fallait absolument partager ça très fort, que ça existe, que les fausses couches existent, que... Et pour moi, c'est une manière de le politiser et une manière donc de subjuguer, je ne sais pas comment dire, de le sortir de ma subjectivité pour en faire quelque chose. Et donc, ça allait forcément m'aider à guérir, quoi, c'était sûr. Mais par contre, il m'a fallu beaucoup de courage pour le proposer aux autres, quoi, pour me sentir légitime et me sentir assez forte pour me dire. Pour dire aux copines, allez, venez, on parle de ça, parce que j'en ai besoin, mais pas seulement, aussi parce que c'est important. Et en fait, là, j'ai été hyper soutenue par les copines, encore une fois, quoi. Ça a été complètement magique. Et donc, on a lancé la première séance d'un groupe. Autour de la grossesse, de l'accouchement et de la maternité, quoi. Cette première séance, quand elle a eu lieu, je crois qu'on était plus de 15 meufs. Assez rapidement, dans ce groupe-là, on s'est dit qu'on avait envie de se revoir. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on parle de la mort. Et du coup, je pense la deuxième séance, on a parlé de la mort. Et bon, alors moi, j'y vois complètement un lien, mais... Je crois, dans le même mois que cette séance-là, je suis tombée enceinte de nouveau. Et je pense que vraiment, ouais, pour moi, ça a eu cet effet-là, ça a eu l'effet que j'avais lâché suffisamment de choses et partagé suffisamment de choses et reçu aussi, écouté suffisamment d'autres récits pour retenter l'aventure, quoi, pour me dire. C'est bon, maintenant la mort, je l'ai mise à sa place et je vais être capable d'autre chose, quoi. Ça a fait une vraie richesse, quoi, de réflexion autour du désir d'enfant et d'accompagner. Qu'est-ce que c'est accompagner un enfant dans la vie? Qu'est-ce que c'est faire un enfant? Tout ça. C'était vraiment. J'avais ce luxe d'avoir un groupe politique quasiment qui correspondait à ce que j'étais en train de vivre, quoi, personnellement. C'était incroyable, quoi. Pour moi, je me suis dit, ah, oui, là, on peut dire que tout ça n'a pas servi à rien, quoi. Enfin, vraiment, c'était la manière juste pour moi de faire exister cette histoire, en fait. De la partager et qu'elle devienne une histoire collective. En fait, à partir de ce moment-là, elle est devenue une histoire collective, quoi.